Le chef de la délégation du Parti et de l'État de la République populaire démocratique de Corée, Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du travail de Corée et vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, en visite à Cuba pour présenter les condoléances au décès de Fidel Castro Ruz, dirigeant suprême de la révolution cubaine, a rencontré respectivement le 3 les présidents vénézuéliens, boliviens et nicaraguayens. Il leur a transmis les salutations cordiales du camarade Kim Jong-un. Les présidents vénézuéliens, boliviens et nicaraguayens y ont exprimé leur vive reconnaissance et ont prié Choi Ryong-hae de transmettre leurs salutations sincères au respecté camarade Kim Jong-un.